Saint-Etienne, 96.2. La FM en couleur. It's a real, real man that can handle it. Come, baby, come, come, handle it. Dans mon lit, freaky bad girl, fell in show. C'est pas possible, En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby, ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, kito, kito, vende la tête qu'on libère ton vende. Kito, kito, kito, vende la tête qu'on libère ton vende. Oula, oula. Ouais, ouais. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Partir très loin, viens t'en prendre soin. Ouais, ouais. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Je veux boucler, laisser dans le vent. Doux ce parfum qui se repend. Ça me rend toute la je deviens toute la. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, te toucher, oh, te sentir, oh, c'est ça mon projet, oh, un bisou, oh, faut pas refuser maman, c'est ça mon projet, oh. Kito, kito, kito, vende la tête qu'on libère ton vende. Kito, kito, kito, kito, vende la tête qu'on libère ton vende. Oula, oula, oula, oula. Là où veut mon cœur aller, un petit côté m'en trouver. Un petit côté qui est caché, civilisation pas manier. C'est vous seul qui m'aimez. La peau mon pas qu'à trouver. Pour moi, je peux faire découvrir. En qui j'en la vie de si cruel. Oula, oula, oula, oula. Là où est-ce qu'on peut arriver. Si la nuit m'était éclairée. Nous qui coupons n'a pas vu. Et nous qui croyons nous qu'à rêver. Oula, oula, oula, oula. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 17h. C'est votre émission Groove Tropical. Comme chaque jeudi après-midi, eh bien c'est le meilleur du son qui nous vient de la Caraïbe, hein, bien sûr du zouk, du compas, de la salsa, etc., etc. Il y aura peut-être même un petit peu de hip-hop tout à l'heure. Oh, c'est une petite surprise. En attendant, ben, pour commencer, pour mettre cette ambiance de l'été, moi, je vous propose tout de suite la Manima, la célèbre Manima du Carnaval 2019 avec Jean-Philippe Martini. C'est quand tu veux, hein, s'il veut pas. Si ça y est. Bonsoir. Ah, faut lui laisser le temps de décoller. Alors après, on s'arrête plus. Pour le concours de chat. 15h-17h, Chantal avec vous pour votre émission Groove Tropical. Quoi? Eh ben, je chanterai un morceau en espagnol. Oui, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Mangora. Eh ben, allez-y, monsieur. Gracias. Grena Mangora, grena mal papay. Lève ta cabre, faut pas me dire que hay. Chantez ma soie, ma zone. Et que pour tout le monde, même c'est pour ce carré petit après moi. Ok? Grena Mangola. Grena Mangola. Grena Mangola. Grena Mangola. Leve flaca pour le pompare de que hay. Leve flaca pour le pompare de que hay. Vous me dites ça? lache, lache, lache, mes plats, carré d'Ikea, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, lache, lache, mes plats, carré d'Ikea, carré d'Ikea, ya ya ya ya ya ya ya ya ya Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est un si grand honneur de t'avoir connu. Voilà tes premiers mots qui m'ont tant ému. J'ai senti qu'avec toi tout était différent. Tes mains sur mes mains et c'est tout parfait. Dans tes bras, je me sens. Thank you. C'est pas le mauvais, c'est pas le midi, pas bien, encore tomber. Arc-en-ciel, votre émission Groupe Tropical. C'était le tout dernier album de New Look, Harry La Rivière, bien sûr, au chant. Avec cet album No Stress qui est sorti il y a quelques jours, je crois, une dizaine de jours. Et puis, moi j'adore ce morceau, je sais pas pourquoi. Le titre, sûrement. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu mon tempérament, ça. Allez, on continue avec les nouveautés compas, bien sûr, le tout dernier album de classe avec. Cliquez sous lit. C'est le titre que je vous ai choisi cet après-midi parce que, franchement, tout l'album est extra. Alors, bien sûr, à avoir dans sa bibliothèque. Tout en bas, quand pigeon levé, j'en ai tout passé. Oh, Bavle absent leur souris, c'est yon même Bavle pédi, tellement d'amour chéri. Hey, moi pas découragé, c'est sur vous seul moi cliqué, pour m'prêt pour m'sacrifier, tout ça mien ça m'possédé. Au femme gouton l'amour, qui bat la vie mieux la cour. C'est plus les miens moins d'un tel coup. Moi pas bon pas où elle vous dormi. Nous déjà fait l'amour nous jouit. Joue comme moi en vaille. Joue comme moi en vaille. Moi v'lais la lampe à l'pipi. Moi v'lais avant joue comme mon lit. C'est le monde d'amour chéri. Moi pas découragé, c'est sous vous seul moins cliqué. Pour vous m'prêt pour m'sacrifier, tout ça vient sans posséder. Au fait mouton l'amour, qui bat la vie mieux la tour. Où se branche les miens, moi dans des coups. C'est l'amour par Yoa. Bon, je ne sais pas. C'est Issa Oulié. Et puis, je clique à Rila. Oui. Mais bon, pas. Si j'aurais autre continent. Simplement en voyant Abidjan accueilli dans la joie, la chaleur, oui je revis. Passé par Cocody, Assini, Playa Club et Maki, ils m'ont jeté au cœur. Un pour mes soeurs. Yaoundé à Douala, du Gabon jusqu'au Kenya, Miami, N'Djamena, on va danser. Follow me, follow me, viens faire un tour, oublie tes soucis. 9 meses buriendo el piso. Yo quiero una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, ya tú sabes. Y cuando salga mami no pida permiso. Aviso, moviendo ese booty hasta el piso. Soy una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, prendiéndome todo. Y cuando salgo papi no pido permiso. Nena, dame la tú, me gusta la loca como tú. Le gusta Instagram, YouTube, tú. Ella para el club, si tú quieres vámonos un tour. Pero si te enamora no me haga mudar. Aviso, muéveme ese booty hasta el piso. Yo quiero una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, ya tú sabes. Cuando salga mami no pida permiso. Aviso, moviendo ese booty hasta el piso. Yo soy una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, prendiéndome todo. Y cuando salgo papi no pido permiso. Ay, mami, hasta que guaye. Lo que pedía, a la calle, dale hasta abajo hasta que el cuerpo falle. Baila lo que no hace falta que ensaye. Yeah. Ay, papi, hasta que vaya. Lo que pedía le doy a la calle. Le doy abajo hasta que el cuerpo falle. Yo bailo y no me hace falta que ensaye. Es que cuando yo llego se prenden todas las luces. Y aunque no estés soltero, hasta tu gata me seduce. Yeah, si no se gasta que se use. ¿Sabes? Si tú no puedes, no te cruces. Yeah, más relajado que la Habana. Pa' mí todos los días son como a fin de semana. Dama, hago lo que me da la gana. Y si no me crees, ven, pregúntale a tu hermana. Aviso, muéveme ese booty hasta el piso. Yo quiero una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, ya tú sabes. Y cuando salga mami no pida permiso. Aviso, moviendo ese booty hasta el piso. Yo soy una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, prendiéndome todo. Y cuando salgo papi no pido permiso. Aviso, muéveme ese booty hasta el piso. Quiero una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, ya tú sabes. Y cuando salga mami no pida permiso. Aviso, moviendo ese booty hasta el piso. Yo soy una mami sin compromiso. Aviso, prendiendo el party, prendiéndome todo. Y cuando salgo papi no pido permiso. Ay, mami, hasta que guaye. Lo que pedía, pedía a la calle. Dale hasta abajo hasta que el cuerpo falle. Baila lo que no hace falta que ensaye. Yeah. Ay, papi, hasta que guaye. Lo que pedía le doy a la calle. Me voy abajo hasta que el cuerpo falle. Yo bailo y no me hace falta que ensaye. Ay, qué rico, ¿no? Bajándolo, el booty hasta el piso. Ay, qué rico, ¿no? Bajándolo, el booty hasta el piso. Ay, qué rico, ¿no? Bajándolo, el booty hasta el piso. Ahí, ahí llegó el party. Henry Mendez. Es el rico, yo. José Rico en la casa. Dama. Dímelo, dama. Prendiendo el party. Jèm akwen ti la malèm Si jodi a ou pa vle Ma priye bon die pou rêv sa realize I love you hey. Fè mwen d'amou Santos Populares foi extremamente sensacional, fenomenal e extraordinária. Graças a quem? Ao Conselho de Administração da Rádio Arconcel pela sua organização, aos benévolos que deram o melhor deles num momento quentíssimo, que seja na churrasqueira, na cozinha, no bar e no parque. Mais aussi grâce à vous tous, public et adhérents, qui avez répondu une nouvelle fois par votre présence, votre participation et votre bonne humeur. N'oublions pas la mairie de Fleury-les-Aubrais et ses représentants, qui sans eux, nous n'aurions pas pu organiser notre week-end festif sur cet espace grandiose et magnifique qu'est le parc de Mineroles. Mas também a parte musical, com Carlos Pires, Capa Negra, Miquel Ferreira, Fernando Martins, David Garcia, Ruth Marlene e os bombos de Nain-sur-Loire. La Radio Arc-en-Ciel remercie aussi tous ses partenaires et ses sponsors présents et qui nous ont soutenus par leur collaboration et leur générosité. La Banque BCP, le Crédit Mutuel, Crédito Agrícola, AXA Assurance, Telema Assurance, les établissements Mariano, Hyper-U de Baule, Patapin à Orme, le Panier du Monde, Adopt Speciality Tropical Café, Mise au Concept Metal Wantage, Cap 45, Beau de Ouf, la team Aloe Vera Success, le 7 Club Discothèque, VIP, SARL Pavé Igor, JP Location, Sergio Dominguez, Alpha Maçon, Calypso Location, RPG International, DS Ravalement, Entreprise Service Après Construction, La Civette, Le Relais de la Mairie, TL Sol, Soditra Sodiloc, La Poule Blanche, Garage du Loiret, Pompé, Carrelage Roger, Ormimo, Alberto Coelho, Ricardo Fernandez, Emilio Dias, SARL Lepage, Alvora Construction, SMP Ravalement, SARL EGDBO, La Boucherie des Pâturages, DCM de Castro, AEB Location, AS Sécurité, Aurelec, les établissements Gauthier, Ravalement Carrelage Abrésien, JR Service, Entreprise S&N, Agriberia, Hôtel des Trois-Vallées, JBL Sonorisation. Muito obrigada a todos. Contamos convosco hoje e sempre. E até para o ano. A tous un grand, grand, grand merci. On se dit à l'année prochaine. On compte sur vous. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Vamos à festa. Vamos à festa. Mwen metem tou piti devan mou Tankou yon peche Ki fini fè tout la priyèl Mwen pa pèm rêvé faire l'amour. Ou même sans je fin me plaisir pour garder nous. Moi je voulais me toucher. Ou moi c'est une belle bagaille qu'il y a fait tellement naturel. Si ou pas chaque jeudi entre 15h et 17h, le meilleur du son qui nous vient de la Caraïbe. Ça y est, on va y arriver, j'en dis trop en même temps. Je vais tout faire, est-ce que vous laissez comme ça. C'était le tout dernier album d'Harmonique avec ce titre Exciting. Alors, je sais pas s'ils le sont, mais en tout cas, ils sont bien beaux, tiens. Le duo de cet été, Jim Rama et Jessie Belleval, avec ce titre Mon cœur t'apaise, le mien aussi. Ses appels, qu'elle me 15h-17h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je n'en peux plus, tu sais, de cette situation qui nous défait. J'aimerais t'arrêter de te prendre la tête avec des histoires aussi belles. Tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reviens-moi. Mon cœur t'appelle sans cesse, j'ai besoin de tes bras. besoin de tes bras. Chérie, tu coules dans mes veines. Sans toi, j'ai trop de peine. J'aimerais que tu reviennes auprès de moi. Viens te blottir dans mes bras. Je te ferai ressentir comme je t'aime si fort. Ce n'est pas si simple que ça. J'aimerais tellement me dire que j'ai tort. Dejemos eso tan que es una tontería. Y olvida todos los temores y no llores. Y mala mía, yo soy el tuyo, mami, tú eres la mía. Dejemos eso ya que es una porquería. Y olvida todos los temores y no llores. Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hacia el infinito? Yeah. Vamos a vivir al máximo, la vida es corta y tú eres un regalo. ¿Qué tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje? We accept all of our differences and put aside all of the pettiness. And just forget, no regret. I'll take you anywhere you wanna go. I've got so much I want to show. Let's restart and we'll go far. Y de cero empezamos, otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez. Que el amor llega solo una vez, de cero empezamos. Otro chance nos damos tú y yo. Mejor dejemos la estupidez. Que el amor llega solo una vez. vamos suave y nos vamos de viaje. Y de cero empezamos. Otro chance nos damos. No dejemos la estupidez. Que el amor llegó solo una vez. De cero empezamos. Otro chance nos damos. Mejor dejemos la estupidez. Que el amor llegó solo una vez. Oh, oh, oh. Y hay mamita. Oh, oh. Que tienes otro chance. Y así yo. Y al comienzo, yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ese fuego y yo el cigarro. Me enciendes y me apagas con tus labios. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes. De día ser y de noche me pertenece. Contigo todos los lunes parecen viernes. Con él te vas y conmigo siempre te vienes. Así eres. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos. Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo. amitié yon se la mien. Mèm lè ti ni boutan, nou pi pa mache men nan la mè. Nou konde inosan kap lè de koupab an mezon d'arè. Paspre yon wap prezan ka refize nou viva dan la pè. An pe pa, an pe pa, nou kontinye kache yon konfor. Mèl tan, tek ta ou an ka fè sa pas an pe pa ken an kon. Ou swè lan ka danse yon ver doudou. Paske se bien mwen ki fè tout pou. An ke yay nou van fre yon, di ke yon pan ke yon. An ke rete, rete pou bout mè. Ou swè lan ka danse yon ver doudou. Kon le kon wan mwen zita ou toujou. Si se mwen esensye la, oubliye la pe nou. Fò ou fè sa pou. Oh, fais ça pour nous. Pourquoi dis-moi, yo, vois, nous, dis-moi, où là? Est-ce que c'est samedi passé, si bat tout là? En pleine nuit, yo, pas vrai, on l'auto là, on s'en poupait. Faut y avouer, c'est faux tout là. Et les nions, mon cabine, pas ou la gauche. On y m'en partit, pas ou la droite. On savait que ça qui est fin, mal à force. J'en réfléchis à la base. Et on fait pas, on fait pas. Nous continuons cacher yon confort. Mettons, tête à ou un café, ça passe en paix, pas qu'il encore. Ou soit là, qu'à danser un verre doudou. Parce que c'est bien moi qui fais tout pour vous. En qu'il y ait d'ouvre un frère, on dit qu'il y a un point qu'il y a. En qu'il rete, rete tout pour vous. Ou soit là, qu'à danser un verre doudou. Qu'on les voit ou en moins, si t'as toujours. Si c'est moi essentiel là, oubliez la peine là. On fait ça pour nous. On pas lever là ou lever. Le café y'a en déblé. On met moins qu'à héler. On pas lever pour pleurer. On pas lever là ou lever. Le café y'a en déblé. On met moins qu'à héler. On pas lever pour pleurer. Parce que c'est bien moi qui fais tout pour. En qu'il y ait nous vent frayant, dit qu'il y a un point qu'il y a. En qu'il rete, tout bout. Mais vous souhaitant qu'à danser et faire tout pour. Qu'on est comme moi, si t'as toujours. Si c'est moi essentiel là, oubliez la peine. Faut faire ça pour nous. PB Music. Yo lady, yo lady, yo lady. chez ma mère. Pour moi les amis, meilleurs fiancés. Ça qui est pas guéra, pour y'en wache là. Ça pas des souliers, pour y'en wache souliers. Chérie, moi la vie chez ma mère. Pour moi les anciens, non, moi la vie. Ça qui est pas guéra, pour y'en wache là. Ça pas des souliers, pour y'en wache souliers. Chérie, moi la vie chez ma mère. Mais sans la ria. llama Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Sí, quiero. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte lo has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Entre 15h et 17h, le meilleur du son qui nous vient de la Caraïbe. Et puis aussi, eh bien, des petits souvenirs comme ça, un petit souvenir compas pour les fanatiques, c'est Tikabzi. Proximité, à mon ami, mon tableau, je Jodi a le temps passé, bagay yo vin change. Mes bagailles yo vin chanje. Nou ka essaye et j'y mène nou à tout. Thank you. j'ai du mal à saisir. Pourquoi ils ne peuvent se retenir? Toujours les mêmes inutiles. Pour eux, la vie n'est pas facile. Il faudrait qu'on accepte tout ce que les gens disent, et sans même réagir. Je ne suis pas le genre de mec qui cherche toujours des prétextes pour prendre la fuite, pour pouvoir partir. Non mais alors, alors, pourquoi tant de mépris? Non mais alors, alors, ce reste de la jalousie. Yo pas bon, mais dis-moi non. Allô. Après c'est d'autres qui pas bon, poupé dis-moi non. Allô. Toujours les mêmes. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Les ignorer c'est ce que je préfère. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Donc allô, mais allô. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Les ignorer c'est ce que je préfère. J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Donc allô. prend son temps, il est allé vite. Son corps, les mokoy, besoin connaître la suite. Mon son, real world boy, girl, mais nous qui prend le suite. Nous qui, là, baby, nous qui prend ensuite. Il est toujours sexy, mon frère, il a fait l'exprès. Il oublie son ex, à présent, il est fait excès. Pour les bateaux, l'amour sans complexe. Baby, baby, take it easy, no stress. Pour les soleils, on m'a la vie. A tous celles qui peuvent amour ça, mélanger l'amour qui plaisir. A moi celles qui peuvent battre ça, t'as dit tout ça chez moi, moi j'appelle. Et ça va comparer pour finir. A tous celles qui a compté, soleil, mon la vie. Tout ce que je veux c'est t'aimer toute ma vie, t'aimer toute ma vie. Oubliez ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont blessé. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, seul pour moi qui est de taille. Tu as pris mon cœur, girl, sans faire le détail. Non, non, je veux non, sans, non, sans que jamais tu t'en ailles. Je veux qu'on reste ensemble, taille que taille. Oh, oh, oh, oh, oh. Amour comme le désolé dans la vie. Encore un titre qui vous accompagnera tout l'été, Le Soleil de ma vie, interprété par Karine, et accompagné de Luna sur le 96.2. J'avais envie de vous faire un petit retour en arrière, un petit retour en arrière zouk. C'est un titre finalement indémodable, toujours de qualité, on va dire. Écoutez ça. Aïe aïe aïe, oh ma cocola. Ah, ça va vous rappeler des souvenirs, ça. Vous étiez né, monsieur. En tout cas, moi, ça m'en rappelle plein. Terminé, faut pas tenir. Mes premiers jours. On s'est révolté, pour pas jamais décoller. On soirée très habillé, même sous un bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. Quand la page change et tout orange a mouillé. Si toutefois nous engager, faut pas nous faire des mitous. Allons danser, coller, jusqu'à demain matin. Et même si nous fatigués, nous béjouer pour passer. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. Toujours. On tise toi d'affilé. Faut nous mettre nous en confiance. Dans la vie que j'ai changé. On nous fait ensuite serrer. À nos finis bien branchés. Oubliez quoi en nous. même si nous on va coco là. Toute la soirée, en bas coco là. En bas coco là. Toute la soirée, en bas coco là. Sa gueule belle, rouler à un arc-en-ciel, t'as volé un ciel, vivit qui ont si rondelle, que bé moins plus fort, et soulagé qu'aille en moins, si on y a jacques, même si on bat coco là, toute la soirée, en bas coco là, toujours sexy, en bas coco là. Toute la soirée, en bas coco là. Laissez rouler. Ah là là, les sonorités ont bien changé, mais pas le tempo, et puis pas l'ambiance, et pas l'émission. En bas coco là, toujours. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, merci beaucoup à la personne qui vient de m'appeler, qui vient de me raconter. Il se passe toujours, toujours des choses en ton zouk. Et puis, elle avait raison. Voilà. En tout cas, nous, on continue hein, jusqu'à 17h avec le meilleur du son. Un groove tropical. Pas facile la chine et au compte pour qui ou qui demain quelque chaque semble douleur l'on va toute sa vie toute sa amour tout ça qu'on est que les gamins se réchirent moi faire tout ça ouvrir moi quitter famille vague zombie parce que me connaît c'est où c'est attendez. Fais tout ça oublier, m'abandonner la société parce que me connais. C'est où c'est vrai? Pardonner. C'est où c'est vrai? Malgré ça ou pas comprendre. trompé. des jours que l'on se connaît. Je me sens bizarre, je le reconnais. Difficilement je me suis raisonnée. Mais toute cette pensée me fait frissonner. Se konbyen fwa vle eksplike ou, ou refuse tsandem, mwen senti mwen melye. Fikse l'espri nan sa, ou pa justifiye, pou lan la vil fatal, sa bon bagay normal. Eske se preske pare menm tout mwen vre, ki goz wap manche rem, tout la vie m'ouvrasse, moi désolé. Pauvre du bien pour ça, moi pas j'en fais. L'esprit en pas en paix. Pauvre les bruits, c'est l'enfer. Pas même chercher qu'on est la vérité. Décider qu'on en aime. Rien tout le film qu'on gravier. Hey. L'homme ou nous t'aime, livré ou fort. Franchement, moi pas un fort. Plus que ça m'en devant mon Dieu. Moi pas me tromper. Oh. J'en ai pile mon sourire de moi, qui toujours a demandé vraiment. La vie déjà n'en meurt, pas besoin de réfléchir même. C'est pour seul voyer, à toute sincérité. Pour mettre confiance dans moi, ma ferme jusqu'à la fin. Va se quitter où? Oh non non non. Moi j'vais la pile mon sou à toi, qui est toujours mon démre mère. La vie de Salomon, moi pas des vieilles humaines. C'est pour ça le moyen, à toute sincérité. Au même mes confiance dans moi. Jusqu'à la Un bout de ça dépend de qui contexte. Et c'est pas dans toutes circonstances. Parce que nous avons mouillé, mais qu'il y a de bagages où chercher connaître. Qu'à la cause des troubles morales et qui avait des gros dommages. Tranquillité, et puis où le veillon tout fou l'histoire. Donc vous posez un pile question, et réponse pas trop plaisant. Pour qui ça vous mettait à tout, dans une situation pareille. Que des bagailles affirmées, car on ne doit pas qu'à supporter. C'est moi-même qui a parlé. Et pourtant, découvrir, chercher un seul bout capable de gérer. Pour bien mal passer, y'a un agent sucré.